Une nouvelle crise vient d'apparaître dans le grand monde des féministes au Québec. On va vous mettre ça peut-être sur le site de Radio-Q. Je vais envoyer ça tout de suite à Laurent. Attendez, clic. Question que vous puissiez le voir aussi dans quelques minutes. Le Melfoton, c'est un bar à Québec. C'est la petite grenouille à Québec qui organise ça, à Charlebourg pour être précis. Ça, c'est dans le nord de la ville de Québec. C'est la première édition, donc, du Melfoton, le 21 et le 28 février prochain à Charlebourg dans le cadre des Vendredis célibataires. Donc, je vais vous lire la publicité, c'est quoi? On voit une fille, elle est pas bien sexy, plus qu'il faut, là. Elle a un top, mais on voit rien. Puis vous voyez un gars qui tient un bébé en voulant dire, tiens, chérie, garde le bébé. Moi, en tant que mère de famille. M'en va veiller. Je suis cute. Je me trouve sexy. Je me trouve belle. Je m'en vais veiller. Et là, je cite, parce que c'est pas parce qu'on est maman qu'on n'a pas le droit d'être sexy, d'avoir du plaisir entre amis et d'assister à un bon spectacle. C'est quoi le problème? Sur ça, présentation. C'est le slogan. Mais non, mais oui, le problème, donc, tu le sais. Là. Non, mais ce que je trouve très sympathique de la part des gens de la Petite Grenouille à qui j'ai pas parlé, c'est parce qu'on vient d'avoir un courriel de la part d'un groupe féministe là-dessus. Oui, il y a une pétition. C'est que la maman qui se trouve belle, qui a le goût de se dégourdir puis de prendre un verre en chum de fille, sur présentation des photos de vos enfants, toutes les mères seront VIP. Bravo. Ils vont avoir des deals, ils vont les amener mères. Des consommations. Il n'y a aucune discrimination. T'es ronde, t'es rousse, t'es maigre. Non! Toutes les mères amener des photos de leurs enfants. Je trouve ça le fun. C'est le terme MILF qui fait capoter. Ben oui. Bon, c'est un terme à connotation sexuelle. Bon, MILF. Mais c'est pas un concours de sexe, ça. Non. Discrimination à l'entrée. C'est un clin d'œil, mais en même temps, il y en a qui ont l'épiderme très sensible là-dessus. Donc, MILF, pour ceux qui savent pas, là, c'est un terme anglais, qui veut dire Mother, I'd like to. Bon, OK. Avoir des rapprochements. Vous connaissez le F-word, exactement. C'est ça. Là, il y a un groupe qui s'appelle Mamselle Tourmente. Entre autres, ça s'appelle Mamselle Tourmente. Je vous ai envoyé le lien. Eux autres partent... Une pétition. Ça fait de bon sens. Contre le sexisme ironique. Tu sais, on peut même plus faire d'ironie au Québec. Là. C'est fini. Il y a plus de plaisir. Il y a plus... on peut pas faire de gags. Tu sais, même si ces femmes-là sont majeures vaccinées, décident de dire, moi, j'y vais. Mais je sais c'est quoi. J'ai pas le goût de tromper mon chum. J'ai pas le goût de m'envoyer en l'air avec le serveur. J'ai pas le goût de faire une danse nue sur une table. J'ai juste le goût de prendre une bière. Hey, le texte. Entre femmes et de jaser de nos réalités de moment. Les féministes sont comme anti-féministes, à quelque part. Parce que ces femmes-là. C'est de l'extrémisme. Sont majeures et vaccinées. Ils vont, puis ils reviennent sérieux, à la maison. Sérieux, si vous pensez vraiment qu'il y a quelque chose de haineux là-dedans, tu sais, je sais pas comment vous parler. Je sais pas comment vous dire qu'il faut des fois sourire dans la vie. Hein? Tu sais, y a-tu du monde qui manque un peu de sourire, là? Un peu de plaisir. Exact, un peu de plaisir. Un peu de légèreté. Vous êtes pas correct, mais c'est pas grave. Un peu de sucré, un peu dans la vie. Tu sais, faut tout le temps que ça n'a pas de bon sens! Tu sais, faut tout le temps que ça soit, là, la fin du monde, là. Tu sais, c'est... Je vais lancer mon crayon! L'indignation facile. Est-ce l'œuvre de jalouse? Et le texte de la pétition, Doom, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, paragraphe. Pour présenter une pétition, j'ai jamais vu ça, là. Là, ça dit, je vous invite à ne pas fréquenter la Petite Grenouille suite à l'organisation du Melfoton, qui prétend rendre hommage aux maires de Québec et qui pousse même l'arrogance jusqu'à nous rappeler nos droits. Ces droits sont pourtant bafoués par l'événement lui-même, de par le choix de son titre, que les internautes, dans leurs commentaires sexistes, ont bien compris. C'est un menu de viande à consommer. Et là, ça continue. T'as des gros mots, là. Comme s'il y avait des viols de masse, comme en Afrique. Là, on identifie les deux organisateurs comme si c'était des crosseurs, des pédophiles, un peu comme le crotté qui est arrêté sans chagrin. Là. Ah oui. T'sais, on les identifie. Voyons donc, c'est des gars de bar, Mathieu Quentin. Eux autres, ils ont dit, hey, regarde, on fait un brainstorm, faut trouver une bonne idée, faut essayer de ramener des mères, faut... Ben non, là, c'est jamais correct. Tu fais rien pour les mères, t'es pas correct. On sait bien, c'est un bord de pétasse. Là, tu fais de quoi pour les mères? Ah là, c'est pas correct, là, t'es traite de MILF. Pis... Écoute, un autre bout. Dans la description de votre événement, là, on voit que c'est de l'ironie, mais on dénonce l'ironie de la chose dans la description de votre événement. Vous vous parez d'emblée contre toute critique en réduisant notre indignation possible à une question de moralité ou de pudeur par l'évocation du col roulé et du thé. Parce que, comme tu dis, la fille est pas sexy. Hey, regarde, je vais relire la phrase tranquillement. Là, dans la description de votre événement, vous vous parez, donc vous vous protégez, contre toute critique en réduisant notre indignation possible à une question de moralité ou de pudeur par l'évocation du col roulé et du thé. C'est tout à fait injuste, mais nous comprenons que c'est stratégique. Vous tentez de discréditer toute dissidence. Mais là, s'ils avaient mis sexy, là, il aurait pointé ça. Là, on sait bien, vous avez mis des milfs qui étaient sexy, mais ça se peut pas être sexy après avoir eu 3 enfants. L'entrée est libre, c'est écrit à toutes les mères qui présentent des photos d'enfants. Toutes les mères! Grosses, petites, laides, pas laides, les cheveux courts, les cheveux longs, les cheveux propres, les cheveux sales, en jean, en jupe, tout le monde va être ennemi. C'est première des choses. Deuxième des choses, les féministes de tout temps se sont battues pour que les femmes aient une liberté de décision, puis exact. Une liberté d'agir selon leur propre désir. Et toi, tu le sais, là, puis moi, je le sais aussi, 2 enfants, puis regarde, ceux qui... Ouais. Les papas sont conscients que les mères, à un moment donné, ils traversent un bout de rough. C'est pas facile, la maternité. Surtout au début, c'est très demandant. Les mères qui allaitent, bon, c'est... À quelque part, c'est encore pire, entre guillemets, parce que elles doivent se lever, le sein, tout ça. C'est très exigeant. Il y a rien qui fait le plus plaisir à une maman que d'aller sortir avec une gang de chums. Mais ma blonde est allée en fin de semaine. Là. Hein? C'est moi qui reste à la maison. Ben oui. Mais moi, je suis un maudit sale parce que ma blonde reste à la maison. Tu sais, elle ne travaille plus. Là. Ah, bon, fait que là, en partant, moi, je l'ai enchaîné dans les chaînes. Un conservateur. Honteuse de la maternité à la maison. Comme Harper te le demande de faire. Mais regarde, moi, honnêtement, vous serez jamais contente. Il y aura toujours les quelque féministes, chose. Ils sont trop sexy, ils sont pas assez sexy. Puis quand ils sont pas assez sexy, c'est une stratégie. Ils ont mis un col roulé, hein, c'est non, ça. C'est faut ça, pas ça. Qu'on puisse les critiquer parce que, dans le fond, c'est une soirée de sexisme. Tu sais. Regarde, 1000 photons, c'est drôle, c'est léger. C'est pour faire de la pub. On en parle. T'sais, donc, ça fonctionne. Mais c'est ouvert à toutes les femmes. Puis c'est un party de filles, jasant entre eux autres, puis en disant, hey, regarde, mon gars, il est rendu à 8 ans, j'étais assez fier de lui, puis tout ça. Puis l'autre, elle va dire, hey, Colin, puis un tel. Ça va être ça, là. C'est ça, c'est des moments fiers d'elles-mêmes, qui vont se mettre belles, qui vont jaser de leur vécu. Bravo! C'est tout, bravo! Puis tu disais tantôt que les femmes sont battues pour ça. Les foules frues, je sais pas quoi vous dire. Il y a eu un temps où vous savez que les femmes seraient même pas sorties de la maison, là. C'est l'image de la femme qui donne le bébé à son chum, là. Ben oui. Donc, on est arrivé là, c'est le fun, hein? Les filles peuvent sortir, puis vous pouvez donner votre bébé à votre chum. C'est toi qui te garde à soir. Là, ils sont pas contentes. Puis là, le poster, c'est un gars qui a un bébé, puis ils sont pas contentes. Ils sont pas contentes. Non, regarde, c'est pas correct. Jamais contentes. C'est jamais correct. Moi, je vous donne les clés, là, de... Fru-fru, vous n'êtes pas contentes, vie. Encore une fois. Donnez-nous une baguette magique. On a peine à comprendre. 11h35, vous êtes dans Morel Live.